Bonjour à vous et bienvenue dans ce 17e épisode de Flux URSS. Aujourd'hui et encore, c'est une conférence qui aura pour thème l'insoutenable productivité du travail. Elle est animée par Mireille Bruyère, maître de conférence en économie à l'Université de Toulouse 2, mais aussi membre du conseil scientifique d'ATAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Elle fait aussi partie des économistes atterrés. La conférence et la captation ont eu lieu le mardi 3 mars 2020. C'était à l'université Champollion d'Albi et c'était toujours avec l'association Jaurès Espace Tarn. Je vous souhaite une excellente écoute. USSR. Alors, quand tu m'as proposé effectivement de venir parler ce soir à Albi, déjà merci pour l'invitation. On avait parlé effectivement de présenter l'ouvrage. Depuis, j'ai un petit peu cheminé. Bon, c'est pas un grand chemin, mais disons que j'ai essayé peut-être dans la présentation de ce soir de rajouter des réflexions sur les questions écologiques. Sachant que pour moi, la question écologique, elle est pas du tout séparée. Elle vient pas se rajouter à ce que je vous présentais sur ce que j'avais fait dans le livre. Et donc les questions que j'ai essayé de me poser dans le livre, c'est plutôt que j'ai rajouté cette question écologique parce qu'il me semble que finalement le capitalisme que je vais essayer de décrire et de critiquer ce soir s'attaque au vivant, le vivant du travail ou le vivant de la nature. Donc pour moi, c'est finalement la même chose. Hein, il n'y a pas de séparation possible finalement entre la question écologique et la question sociale. Mais j'ai voulu quand même rajouter quelque chose un petit peu d'actualité, c'est-à-dire qu'il me semblait que la question écologique devenait tellement prégnante aussi dans les débats que j'ai voulu essayer de rajouter un petit peu des éléments de compréhension de la possibilité d'une transition écologique, qu'est-ce qu'on entend par transition écologique, etc. Pas simplement rester sur les problématiques que j'avais fait dans le travail, mais je resterai sur le même les mêmes outils théoriques. Hein. En fait, je vais quand même continuer d'avoir les mêmes outils théoriques, le même trait en fait théorique, mais je vais rajouter quelques éléments sur la question de la croissance verte, etc. Voilà, c'était donc vous retrouverez beaucoup de choses que je dis là ce soir dans le livre, évidemment. Peut-être pour commencer, je vous propose qu'on se pose la question finalement, dans quel système économique nous sommes et même dans quelle société sommes-nous, quelle est dans cette société son trait caractéristique ou plutôt quel est son moteur caractéristique, vers quoi nous allons et quelle est sa dynamique aussi, on peut poser la question comme ça, quelle est sa dynamique. Alors, puisqu'on est plutôt dans un moment plutôt d'analyse critique, hein, pas simplement pour reprendre le discours ambiant, mais plutôt dans l'analyse critique, les propositions qui sont souvent faites dans les débats critiques comme ça auxquels je participe, c'est de dire qu'on est dans une société qui est à la recherche de la croissance illimitée, par exemple, ou encore de dire qu'on est dans une société qui est une société de consommation effrénée. Si je suis dans une conférence plutôt altermondialiste, j'entendrai qu'on est dans une marchandisation du monde, donc une expansion toujours plus grande des marchés. Ou encore, les philosophes, par exemple, nous disent que la société, c'est une société d'hyper-concurrence, où la raison humaine est une raison d'hyper-concurrence. Ou encore, si je suis invitée à la semaine marxiste, par exemple, on me dira que je suis dans une société qui recherche l'accumulation indéfinie du capital, de l'accumulation du capital. Donc, toutes ces réponses sont certainement vraies. Elles font sens ensemble. Et peut-être, évidemment pas du tout pour essayer de trouver la bonne réponse. Peut-être personne ne peut la dire, de toute façon. Mais j'ai envie de vous proposer que peut-être dans toutes les propositions que je vous ai faites, il y a quelque chose qui revient, c'est la question de l'expansion. Que ce soit la croissance qui est en expansion, les consommations qui sont en expansion, la marchandisation qui est en expansion, la concurrence qui est en expansion, ou l'accumulation du capital qui est en expansion. C'est toujours une expansion dont il s'agit. Et donc peut-être on va essayer de réfléchir aussi sur cette question d'expansion et c'est celle qui va tirer un petit peu le trait de cette conférence. Mais expansion, pourquoi? Pourquoi sommes-nous en expansion? Expansion vers quoi? Qu'est-ce que c'est qui s'étend? Alors là, si on est du côté de ceux qui défendent le système, ceux qui le défendent même, je dirais, de manière plus ou moins critique, hein, j'y mettrais par exemple une partie peut-être de l'ancienne social-démocratie, hein, donc, qui défendent peut-être ce système en expansion, ils liront par exemple, et puis évidemment les milieux patronaux, hein, ou les traders, enfin beaucoup de gens, les puissants de ce monde, diront que ce qui est en expansion, c'est le bien-être. Ce qui est en expansion, c'est la santé ou la durée de vie, l'allongement de la durée de vie, par exemple, c'est un grand argument de défense du système. Ou encore, ce qui est en expansion, c'est le progrès technique, les innovations, et finalement, ce qui est en expansion, c'est la connaissance du monde. Et puis, ce qui est en expansion, c'est la raison, et puis finalement, la maîtrise du monde, donc... c'est des propositions qui sont faites pour essayer de dire qu'il faut voir comment on peut équilibrer tout ça, mais il n'est pas question de remettre en question l'idée d'expansion. Et donc le propos ici, c'est d'essayer de montrer que cette expansion touche les limites, touche le réel, et c'est bien de ça que nous souffrons. Et donc la première partie de mon exposé, ça va être d'essayer de vous faire une petite histoire en fait, de ce système capitaliste. Et bon, évidemment pas une histoire trop longue, hein, je ne vais pas remonter il y a 200 ans, je vais essayer de montrer comment le capitalisme est passé, enfin, pas de montrer, parce que c'est, en tout cas d'expliquer tel que je le comprends, comment le capitalisme est passé d'un capitalisme industriel à un capitalisme qu'on appelle néolibéral. En essayant effectivement d'insister sur l'idée que la forme du capitalisme actuel n'est pas un nouveau capitalisme, mais plutôt un approfondissement de la logique déjà à l'œuvre dans le capitalisme industriel, et même dans le capitalisme tout court. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation de capitalisme renouvelé ou changeant de direction, sous une autre forme, je dirais plutôt qu'on est dans un approfondissement des logiques capitalistes, dont la logique profonde, effectivement, est, vous l'aurez compris, l'expansion de la maîtrise, finalement, la maîtrise du monde. Alors, en économie, cette expansion, elle s'incarne dans quelque chose que tout le monde peut comprendre, c'est la croissance économique. Hein, c'est-à-dire que ce qui est en expansion... là, que j'ai défini dans l'introduction de manière très générale et très philosophique, expansion du bien-être, de la consommation, des connaissances, du progrès, etc. L'économie incarne cette expansion. C'est la discipline qui incarne vraiment cette expansion. Et évidemment, l'indicateur clé, c'est la croissance économique. Chez les économistes, on appelle ça le PIB, le produit intérieur brut. Et évidemment, le fondement de l'expansion de la croissance économique, ce n'est pas que il y a toujours plus de production. Il faut, pour qu'il y ait une croissance économique, il faut qu'il y ait une productivité. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de croissance économique sans amélioration de l'efficacité productive. Hein, encore pour le dire encore différemment, la croissance économique ne peut pas s'appuyer uniquement que sur la croissance du nombre de travailleurs, des heures de travail, c'est pas possible, ou de la population. Il faut, pour qu'on ait cette énorme croissance qu'on connaît finalement depuis 200 ans, hein, il faut qu'il y ait eu aussi quelque chose de très important, c'est la productivité. C'est-à-dire la capacité d'un système productif de produire plus avec moins. Hein, donc ça, c'est quand même important aussi de rappeler que la croissance économique, c'est pas un système... Les économistes, ils disent que c'est pas une expansion qui est fondée simplement sur une quantité toujours plus grande des facteurs de production. C'est une expansion qui est fondée sur une intensification de l'utilisation des facteurs de production, pour reprendre le vocabulaire économique, c'est-à-dire le fait que finalement le travailleur produit en une heure de travail toujours plus, où voilà, on utilise de manière plus intensive les facteurs de production. Alors cette productivité, c'est le fondement en fait hein, de l'expansion. Il n'y a pas de croissance en tant que telle, il faut une productivité. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière la productivité? Ce que je vais essayer de montrer, c'est que la productivité n'est pas simplement le résultat d'un progrès technique positif ou neutre dont il s'agirait ensuite de savoir ce qu'on en fait, ce qu'on le répartit de telle ou telle manière, etc. Le progrès, la productivité pardon, qui conduit à avoir cette croissance durable, cette productivité, elle provient d'un certain nombre d'organisations, de phénomènes et de choix politiques qui conduisent à l'impasse dans laquelle on est. Donc le propos en fait que je développe dans le livre, c'est de dire la croissance n'est que le résultat de la productivité et cette productivité se paye très très cher. La productivité, c'est pas simplement c'est super, on est tous plus productifs, on a des machines qui nous permettent effectivement de remplacer par exemple le labour animal par de la mécanisation agricole, par exemple, et puis de la mécanisation agricole par des drones qui vont nous dire où est-ce qu'il faut qu'on mette les pesticides. Donc ce progrès-là se paye très très cher. Hein, se paye très très cher en termes de travail vivant et en termes effectivement d'effets écologiques. Alors, déjà pour rappeler quand même que la croissance économique... D'abord, c'est un concept c'est un indicateur qui ne naît que finalement au XXe siècle, même si le capitalisme naît bien avant. Le capitalisme, avec cette dynamique d'expansion, existe depuis 200 ans, mais la croissance économique telle qu'on la mesure, elle existe depuis beaucoup moins longtemps. Et donc, le capitalisme en tant que tel a une expansion qui est relativement modérée, qui est relativement faible par rapport à ce qu'on a connu après la Seconde Guerre mondiale. Entre le milieu du XIXe siècle et la sortie de la Seconde Guerre mondiale, on a des taux de croissance qui sont autour de 2% par an, ce qui est déjà considérable hein, par rapport à des sociétés qui ne connaissaient pas en tant que telles la croissance productive, hein, qu'il y avait... une histoire qui avait des récits, mais par contre qui n'avait pas le récit comme ça de cette expansion productive. On a connu ensuite une grande accélération de la croissance après la Seconde Guerre mondiale, et ça dans tous les pays occidentaux, puisqu'on a des taux de croissance de la productivité, mais aussi de la croissance de 5% pendant une vingtaine d'années. Cette grande accélération qui, c'est le nouveau nom en fait qu'on peut donner maintenant à ce qu'on a appelé les 30 glorieuses hein, ou encore le compromis fordiste, on l'appelle la grande accélération parce que effectivement tout s'accélère très très vite, en particulier les effets sur la nature ici sont considérables. J'y reviendrai après pour essayer d'expliquer pourquoi il y a eu cette accélération. On peut avoir une explication sociale, mais on peut aussi avoir une explication géopolitique par rapport aux colonies par exemple. Et en particulier aussi, on peut avoir une explication écologique, c'est-à-dire la manière dont cette économie s'est abreuvée d'énergie fossile. Donc on a tous ces éléments qui conduisent effectivement à expliquer les taux de croissance très élevés, qui sont une période assez exceptionnelle de croissance pendant les 30 glorieuses, mais qui se paye très cher, au contraire du discours peut-être social-démocrate qui a tendance à vouloir refaire de la croissance pour sortir de la crise et pour résoudre les problèmes sociaux, à rappeler qu'il faut des investissements, même dans le non-marchand d'ailleurs, hein, même dans les services publics, c'est-à-dire de la croissance pour retrouver les équilibres sociaux qu'on a connus pendant les 30 Glorieuses. Il faut rappeler quand même que les 30 Glorieuses se sont payées très très cher et en termes de qualité du travail et en termes d'effets sur l'écologie. Alors, ce qui a été l'origine de mon livre, c'est que... cet état de fait s'arrête dans les années 70 et on a une décroissance régulière dans tous les pays occidentaux de la productivité de la croissance. On passe à 4%, puis à 3% par décennie. Actuellement, on est à 1%. Donc on a une décroissance comme ça qui conduit les économistes à s'interroger sur la possibilité d'avoir un système capitaliste, qui est quand même fondamentalement un système en expansion, avec des taux de croissance aussi faibles. Est-ce que ça va poser un problème fondamental? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut essayer d'aller plus loin? Enfin bon, toutes ces questions sont arrivées là. Alors, la proposition que je fais, c'est de dire que dès les années, la fin des années 60, on a un certain nombre d'événements politiques et sociaux, et même géopolitiques, qui conduisent effectivement à limiter les possibilités du capitalisme à avoir des taux de croissance aussi élevés. Hein, donc, comme quelque chose qui vient buter, là, cette expansion vient buter sur des résistances politiques et sociales. Je pense, par exemple, au conflit dans les entreprises dans les années 70. Donc, un certain nombre que je vais lister, là, qui viennent commencer déjà à faire apparaître la difficulté pour le système en expansion de continuer à reproduire cette expansion. Et la réponse des élites, des puissants, donc des milieux patronaux et des États, qui vont se transformer d'ailleurs, hein, les États vont se transformer pour pouvoir conduire le capitalisme à sa forme néolibérale pour permettre de continuer effectivement cette expansion de la maîtrise. Hein, donc les États qui étaient des États pour beaucoup fondés sur une démocratie dite représentative avec des parlements, dans les années 70 et 80, l'ensemble des États occidentaux vont conduire une mue, conduisant à limiter le pouvoir des parlements, à renforcer le pouvoir de l'exécutif pour évidemment accompagner les politiques néolibérales que nous connaissons. Donc il n'y a pas de séparation ici. Comme souvent on entend dire, de l'État qui aurait été mis de côté, dans lequel on aurait une limitation de l'État, une perte d'influence de l'État, etc. Non, l'État est partie prenante, mais il change de forme pour ça. Il devient un État fort, un État dans lequel l'exécutif est premier, on le voit d'ailleurs avec le 49-3 aujourd'hui, pour pouvoir effectivement accompagner la transformation du capitalisme dans sa volonté profonde de continuer la maîtrise de la société, la maîtrise, l'expansion de la maîtrise. Alors, les premiers signes de résistance, j'ai envie de dire, on les voit dans les années 70, et puis je vais essayer effectivement dans ces signes de résistance de tirer les conséquences et les réponses politiques des élites pour préserver... préserver effectivement la domination. Alors, dans les années, à partir des années, la fin des années 60, aux États-Unis, en France, on a évidemment des exemples qu'on a tous en tête, hein, mais aussi dans d'autres pays occidentaux, on a une multiplication, un développement de conflits à l'intérieur des entreprises, sur les finalités du travail et surtout sur l'organisation du travail. Les conflits, les grèves, etc., existent depuis très longtemps, mais les travailleurs questionnent de plus en plus leurs conditions de travail, l'organisation du travail, la hiérarchie à l'intérieur du travail, les finalités, etc. Et ces conflits, effectivement, vont conduire à une révolution managériale très, très profonde, hein, qui va avoir des effets très très importants sur le monde du travail et même, je dirais, sur l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient dans le secteur privé ou dans le secteur public, parce que cette révolution managériale va avoir aussi des effets dans le secteur public. Donc ces conflits du travail qui contestent les hiérarchies, qui ont des revendications d'autonomie des travailleurs, hein, avec d'ailleurs, il y a eu toute la période de l'autogestion, par exemple, hein, donc beaucoup de mouvements politiques et de partis s'emparent de la question de l'autogestion des travailleurs. Eh bien, la réponse qui va être faite, c'est d'essayer de construire un management qui semble prendre en charge la question de l'autonomie des travailleurs, hein, et qui va en profiter pour dire autonomie des travailleurs, mais... Je vais vous donner soi-disant l'autonomie, mais surtout, je vais détruire les collectifs de travail. Je vais individualiser le plus possible les conditions de travail. Je vais le plus possible mener des évaluations individuelles, toutes les choses qu'on pourra retrouver ensuite peut-être dans le débat. Donc ça, c'est la première transformation importante du capitalisme qui va s'engager vers s'appuyer sur cette révolution managériale pour essayer, sous prétexte de répondre à la demande effectivement des travailleurs, trouver les moyens de sa division, effectivement de son affaiblissement. Et d'ailleurs, on a une chute importante des taux de syndicalisation. Ça va de pair aussi avec une organisation productive qui va se mondialiser. Hein. Donc, tout ça n'est pas simplement fondé sur l'évolution du management, mais aussi effectivement des entreprises qui vont s'organiser de manière beaucoup plus éclatée sur des territoires et même dans le monde, qui conduit encore une fois à fragmenter les collectifs de travail. Alors la deuxième limite ou résistance, peut-être plus limite, c'est que dans les pays occidentaux qui sont quand même les moteurs de la consommation, hein, de la consommation industrielle, des biens industriels produits par le capitalisme, on a le début d'un ralentissement de la consommation industrielle, et même dans les années 68, enfin 68 et après, une critique aussi de la société de la consommation. Pas simplement le fait qu'il y a une saturation des besoins, hein, on ne peut pas acheter 40 frigos au bout d'un moment, mais aussi effectivement une critique de la société de consommation, et donc les grandes entreprises en particulier vont se redéployer sur des marchés de consommation en émergence, donc dans le reste du monde, on pense évidemment aux pays asiatiques, et vont en profiter aussi pour réorganiser la production de manière globale. Il ne s'agit pas de mettre en concurrence les entreprises nationales, il s'agit d'avoir des entreprises multinationales qui mettent en concurrence les territoires. Ce n'est pas du tout la même logique. Donc ça, c'est la deuxième trait que vous reconnaîtrez du néolibéralisme, donc sa globalisation via des entreprises multinationales qui organisent la chaîne de production au niveau mondial. Le troisième élément, à mon avis, très très important, c'est l'arrêt de l'accès à l'énergie fossile sécure et facile. Donc le mouvement de décolonisation, la guerre de Yom Kippour, etc., va conduire à effectivement une rupture dans l'accès à l'approvisionnement des pays occidentaux, des énergies fossiles, en particulier du pétrole, qui va conduire à une plus grande difficulté effectivement pour le capitalisme de produire cette croissance, cette productivité constante. Donc on va essayer de trouver des solutions, hein, sécuriser bien sûr les sources d'accès. Mais on voit bien que ce panorama rapide va commencer effectivement à organiser les élites, les États et les milieux patronaux vers une réponse néolibérale qui n'est pas tout de suite cohérente, mais dont on commence à trouver déjà dans la présentation que je viens faire les premiers traits. Alors. Le deuxième grand point sur lequel je voulais venir ce soir, c'est de présenter les promesses fallacieuses qu'a fait le néolibéralisme, puisqu'il fallait quand même tenir un discours de légitimité. Comment, dans cette situation, on va pouvoir continuer à gouverner, hein, et à être dans une situation de domination, tout en prétextant effectivement que nous allons vers plus de progrès social, plus de démocratie, plus de bien-être, etc. Donc il y a un certain nombre de promesses fallacieuses qui ont été faites, qui construisent actuellement le discours encore, hein, donc, qui sont toujours, à mon avis, importantes, donc, qui ont évidemment développé leur argumentaire. Alors, première promesse du néolibéralisme, c'est celui de sa dématérialisation. À la fin des années 80, aussi parce qu'on a déjà les premières alertes écologiques, la saturation des besoins de consommation industrielle, un discours se développe de l'idée que finalement les sociétés vont se tertiariser, c'est-à-dire vont devenir tranquillement des sociétés de services. Les biens matériels sont construits, sont produits avec de moins en moins de travail, donc comme par un système de déversement comment dire, de baignoire dans, du baignoire dans une autre baignoire, on va avoir effectivement l'emploi qui va se déployer dans les services avec donc moins d'impact matériel, moins d'utilisation de matériel, moins de consommation énergétique, etc., etc. Donc, et ça, ça commence déjà dans les années, à la fin des années 80, et cette idée de la tertiarisation de l'économie, du fait qu'on va être dans le service et qu'on va avoir donc de nouveaux emplois dans le service, reprend une nouvelle forme actuellement quand on parle de digitalisation de la société, hein, donc toujours plus de transformation productive qui conduisent à finalement s'éloigner de la production matérielle. Hein, c'est ça l'idée fondamentale, c'est qu'on s'éloigne de la production matérielle et qu'on n'a plus besoin finalement de mettre les mains dans le cambouis, d'avoir des usines comme à Billancourt, Renault dans les années 60. Hein, ça s'est fait très très loin. Maintenant, on est dans son bureau, on a des conditions de travail agréables, une cantine, etc., etc. Donc évidemment, cette idée de progrès finalement des conditions de travail du fait de sa dématérialisation. Bon, la promesse est une promesse fallacieuse pour la première raison, c'est qu'en fait les services sont une production matérielle, évidemment. Faire du service, c'est avoir besoin par exemple de locaux pour faire ces services. Donc plus vous avez des services, plus vous avez de locaux, donc vous avez donc une emprise immobilière bien concrète. La deuxième, c'est que quand il y a du service, il y a toujours plus de transport, donc plus aussi de consommation de transport, de besoin de moyens de transport et d'énergie aussi pour faire ces transports. Et puis, l'idée aussi, c'est que la numérisation des activités, le fait que, par exemple, on puisse limiter par exemple les transports en disant ben, vous allez travailler à la maison ou on va faire des réunions via des plateformes numériques, etc. Tout ça conditionne une infrastructure numérique bien matérielle qui utilise effectivement de l'énergie, qui sont en très forte augmentation et qui utilise aussi effectivement des matériaux de la production industrielle en amont. Et donc finalement, j'avais un certain nombre de chiffres à vous présenter, mais je ne peux pas les afficher, mais je dirais que les services ne sont pas du tout une dématérialisation de l'économie, mais plutôt une mise à distance de la matérialité dans d'autres endroits, dans d'autres quartiers, dans d'autres pays, qui se tapent d'ailleurs le recyclage, la pollution, etc. Donc on n'a pas une dématérialisation de l'économie. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on nous a promis que les marchés financiers nous permettraient, par le fait que les capitaux puissent se déplacer là où c'est le plus utile, hein, là où il y a le plus d'opportunités de croissance et donc de profit, que la financiarisation, c'est-à-dire le fait que l'économie fonctionne avec des marchés financiers de grande taille, c'est ça la financiarisation, les marchés financiers sont de très très grande taille, il y a beaucoup d'actifs financiers qui s'échangent chaque jour sur les marchés financiers. Ça permet très l'optimisation des investissements. Bon, d'être là, je vais aller vite parce que c'est assez connu, la financiarisation qui va de pair d'ailleurs avec la technologie de l'information. Il n'y a pas de financiarisation sans... C'est une intrication très très forte. Dans le livre, je dis d'ailleurs que le responsable de la bourse Euronext est maintenant un informaticien, alors que pendant des années, ça a été quelqu'un qui était formé au métier bancaire. Donc c'est pour vous dire que les services boursiers sont des services fondamentalement technologiques. Et donc il y a une intrication très très forte entre la financiarisation et la technologie de l'information. Les effets, effectivement, de cette financiarisation sont assez connus sur le travail, hein, dans la montée en puissance, effectivement, des actionnaires, dans la conduite des entreprises, la montée, du coup, évidemment, des dividendes versés aux actionnaires aux dépens du salaire, mais aussi aux dépens de l'investissement productif, ne serait-ce que le changement des machines à l'identique, hein, c'est pas simplement les innovations toujours, mais c'est le changement des machines, tout simplement. Donc cette montée en puissance des actionnaires a conduit à l'intensification du travail, au chômage, à la précarité qu'on connaît bien. Et pour faire un point sur l'actualité, comme une boucle, hein, ce qui a permis la financiarisation des grandes entreprises françaises, hein, qui sont d'abord des grandes entreprises nationales, publiques en fait, hein, comme je pense à France Télécom par exemple, qui était les PTT, au départ c'est une grande entreprise nationale qui est donc une grande taille, qui va être privatisée et qui va être privatisée au même moment où les fonds de pension américains ont la nécessité de, pour garantir les retraites des Américains, ont la nécessité de diversifier leur investissement dans le monde et cherchent des opportunités d'investissement. À ce moment-là, effectivement, on a une vague de privatisation des grandes entreprises françaises qui conduisent les grandes entreprises françaises à être tout de suite financiarisées. Au contraire, par exemple, d'autres pays où la financiarisation, comme en Allemagne, est plus lente, là, on a des grandes entreprises qui sont tout de suite financiarisées, donc tout de suite mondialisées, donc, qui se fichent complètement du territoire français. Donc, c'est pour dire que la financiarisation est très, très liée à la question des retraites depuis toujours. Et on en a un dernier exemple actuellement, effectivement, puisque la réforme des retraites actuellement a comme étape fondamentale, effectivement, de financiariser une partie des retraites. Donc là, je reviendrai si les discussions portent sur ça, puisque la financiarisation a besoin d'épargne. Hein, c'est-à-dire que les marchés financiers ont besoin d'absorber l'épargne. Et si vous avez une retraite par répartition, vous n'avez pas d'épargne. Tandis que si vous avez une retraite par capitalisation, vous avez des masses d'épargne qui sont énormes. Ça représente cette fois un PIB, hein, une épargne, une retraite par capitalisation. Hein. Donc c'est une très très grosse quantité d'épargne qui peuvent être produits si effectivement on passe à des retraites par capitalisation. Alors la dernière fallace sur laquelle je voulais venir un bon moment, c'est la question de la croissance verte, puisque évidemment le capitalisme doit répondre à la question écologique comme à la question sociale, en tout cas tenter d'y répondre en façade. Et on a actuellement, on ouvre une période politique dans laquelle la question écologique devient importante. Et pour moi, en tout cas, il s'agit bien de manière très très claire d'essayer de ne jamais séparer la question sociale de la question écologique en disant que finalement le capitalisme attaque la même chose. Que ce soit la nature ou le travailleur, attaque ce qui est vivant, effectivement, dans le travailleur et dans la nature. Alors, donc ça fait à peu près une demi-heure que je parle. Ouais. Alors, j'avais mis là un certain nombre de points de repère pour essayer de déconstruire ce concept de croissance verte. Puisque l'enjeu actuellement, qui est un enjeu important, c'est-à-dire que pour moi, quand même, l'apparition, c'est ce que je disais à Francine quand on s'est eu au téléphone, hein, c'est-à-dire que je pense que l'apparition de l'écologie n'est pas cette limite qui mettrait tout le monde d'accord. Hein, il n'y a pas de raison que ça ne mette pas plus tout le monde d'accord que la question sociale, hein, le politique étant quand même premier, mais rend peut-être explicite des choses qui étaient déjà là, et dont effectivement les milieux critiques du capitalisme avaient déjà dénoncé, mais de manière plus générale, à plusieurs endroits dans le territoire. Ce qui est, pour exprimer un petit peu ce que je veux dire, c'est que quand on a une canicule qui ne concerne pas qu'une partie de la France, mais qui concerne toute l'Europe au même moment, il y a quelque chose d'un commun face au réel qui peut faire effectivement quelque chose de politique, qui peut mettre en mouvement effectivement quelque chose de politique. Donc c'est dans ce sens-là, c'est pas pour dire que la question écologique serait première ou seconde, etc. C'est pour dire qu'elle pose les termes politiques de manière peut-être plus massive, hein, puisque là on est dans des situations où La dynamique du capitalisme conduit effectivement à des effets massifs sur des populations très très larges. Hein. Et pas simplement effectivement des populations décolonisées, hein, dans tel secteur qu'on ne voit pas, etc. Donc c'est vrai que là, ça touche des situations très larges, même si on est bien d'accord que les élites peuvent tout à fait se débrouiller pour limiter les effets sur elles-mêmes. Hein. Alors, le discours fondamental, c'est de dire, pour le capitalisme, il est tout à fait possible de de mettre en place des politiques qui conduiraient à de la croissance verte. C'est-à-dire on garde cette dynamique d'expansion qui est le cœur vraiment du capitalisme, mais on va la verdir. Hein, on va essayer de respecter l'écologie tout en étant en expansion. Alors on a beaucoup de gens pensent que c'est possible. Ou alors s'il y en a qui pensent que c'est pas possible, ils font comme s'ils pensaient que c'est possible. C'est-à-dire ils disent non, j'y crois pas, mais quand même je continue de militer pour la croissance du PIB, pour avoir de l'emploi. Enfin, je l'entends aussi parmi des collègues qui sont tout à fait à gauche, hein, qui disent effectivement il faut quand même de la croissance, on va essayer d'avoir de la croissance dématérialisée ou très peu polluante, et comme ça on aura des emplois. Alors le fondement fondamental de la croissance verte, c'est qu'il faut donc qu'il y ait, c'est le mot propre pour ça, un découplage entre le PIB, hein, cette fameuse croissance économique, et les gaz à effet de serre, puisque c'est l'indicateur, c'est le phénomène physique, hein, c'est la traduction de l'économie sur la biosphère, c'est effectivement les gaz à effet de serre. Il faut qu'il y ait un découplage, c'est-à-dire qu'il faut que la croissance continue d'augmenter pendant que, effectivement, les émissions de gaz à effet de serre diminuent. C'est ça, le découplage. Dans l'histoire, on n'a pas de découplage. C'est pour ça qu'on parle. C'est-à-dire qu'on a une même croissance des gaz à effet de serre et du PIB. Identiquement, il faut qu'il y ait un découplage entre le PIB et la quantité de matériaux qu'on transforme. Parce que là aussi, on voit bien que ça va être limité. Hein. Si on transforme toujours plus de matériel, que ce soit du sable, hein, on a des pénuries de sable, par exemple, puisqu'on construit énormément de logements, qu'on fait du béton en très très grande quantité, on a une ressource qui est le sable, qui met des milliers et des milliers d'années pour être construit, et donc là, on a une ressource qui est limitée. On a énormément de ressources qui sont donc des ressources matérielles qui sont limitées, ne serait-ce que la terre. En termes de matérialité, on en voit vite les limites. Donc, il ne peut pas y avoir de croissance indéfinie sans découplage matériel et sans découplage de gaz à effet de serre. Alors, c'est les graphiques que je voulais vous présenter. On n'a pas de découplage matériel. Quand on regarde la quantité de matériaux qui sont utilisés pour produire $1 de croissance économique, $1 de valeur économique, hein. On n'a pas de découplage. Alors, on a un découplage, c'est là où justement, quelquefois, il y a des présentations mensongères. Quand on regarde ce qu'on utilise en France comme matériaux, tout ce qu'on extrait comme matériaux du sol français, et quand on rapporte ça à la croissance française, il y a un découplage. On extrait moins de matériaux, on est passé en France à 12 tonnes par personne, à 10 tonnes, hein, en une quinzaine d'années, chaque année. Donc chaque année, chacun de nous utilise 10 tonnes de matériel, tout matériel compris, ce pour construire des maisons, pour construire des machines, pour se nourrir, toutes les intrants qui ont besoin à l'agriculture pour se nourrir, etc. Tout ce qui est utilisé comme matériau sur le territoire français. Mais vous savez bien qu'une grosse partie de votre consommation ne provient pas d'une production locale, mais provient d'une production qui est lointaine. Et donc, si on met effectivement l'ensemble des pays ensemble, hein, pour éviter cette vision biaisée où on aurait une consommation qui serait sur le territoire, mais une production qui serait beaucoup plus loin, hein, quand on met tout le monde ensemble, ben, il n'y a aucun découplage matériel. Mais alors là, c'est une corrélation de 1 à 1. $1 de PIB, c'est 1% de PIB de plus, c'est 1% de matériaux utilisés de plus. Alors, donc évidemment, là, on n'a pas de raison de penser, en fait, que quelque chose du découplage arrive. En tout cas, on ne peut pas s'appuyer sur une dynamique déjà en cours pour dire, c'est bon, on prend le bon chemin. D'autant plus que la promesse qui est faite, hein, pour essayer de répondre à ça, c'est la fameuse économie circulaire, qui est le nom un peu bâtard, pour dire qu'on serait capable, effectivement, à chaque fois qu'on produit quelque chose qui ensuite devient un déchet, on pourrait que ce déchet soit transformé pour redevenir une ressource, puis retransformer, etc., cette circularité. Bon, ça, je préfère dire tout de suite, c'est de la fadaise complète, puisque 70% des matériaux utilisés sont non recyclables, soit parce qu'ils sont liés à des conditions, ils produisent de la nourriture. ils sont liés à la production de nourriture, soit parce qu'ils sont liés à l'infrastructure, pour 27%, soit aussi parce que les productions qu'on fait ne sont pas recyclables. Je crois que les plastiques, il n'y a que 4% de plastiques qui sont réellement recyclables, tout simplement parce que les quantités d'énergie, la détérioration du plastique ne permet pas vraiment un recyclage. On est très très loin d'une économie circulaire. Il faudrait non seulement penser à des filières de recyclage, mais aussi il faudrait éviter de produire certaines choses, comme par exemple le plastique, dont on sait qu'il est peu recyclable. Ça veut dire qu'il faut vraiment réorganiser les filières, et en particulier, s'il y a beaucoup de plastique, c'est pas simplement parce que c'est plus pratique que le papier pour mettre ses courses ou je sais pas quoi, c'est surtout parce que les transformations des modes de production ont conduit à déplacer les productions des lieux de consommation de manière vertigineuse, et donc il faut tout emballer, tout paqueter, etc. C'est pas simplement parce que l'épicier trouve que c'est plus facile d'avoir un sac en plastique qu'un sac en papier. C'est parce que les modes de production ont été globalisés. Et ces modes de production ont été globalisés et individualisés aussi, tout en sachets, etc., qui conduit à une explosion effectivement du plastique. C'est un exemple parmi d'autres. Alors, le deuxième point, c'est le découplage en carbone. Le découplage en carbone, alors ça, c'est la grande affaire, effectivement, de la Banque mondiale, par exemple, du FMI ou de l'OCDE, qui essaye de trouver des scénarios, ou par exemple même du gouvernement Macron, qui essaye de dire « on va rentrer dans une stratégie bas carbone, et donc on va vous expliquer les scénarios qu'on va prendre pour essayer de produire sans carbone ». Donc le carbone, c'est le CO2, c'est ce qui est produit quand on transforme quelque chose, ne serait-ce que quand on fait cuire une entrecôte sur un barbecue, on produit du CO2. Donc c'est quelque chose où même nous-mêmes nous produisons du CO2. Le CO2, ce n'est pas un gaz particulier. On ne peut pas comparer le CO2 à certains gaz produits de manière très spécifique dans certains procédés productifs. Le CO2, c'est une loi générale de la vie sur Terre qui est liée à la production d'énergie. Donc c'est quelque chose qui est indépassable, je dirais. On produira du CO2 quoi qu'il en soit. Par contre, le cycle de la vie, l'écosystème est fait de telle manière que ce qui est produit par l'activité vivante, d'un animal, d'un être humain, d'une activité productive capitaliste, par exemple, il y a aussi, dans les écosystèmes, ce qu'on appelle des puits carbone, c'est-à-dire ce qui retire les émissions de CO2 de l'atmosphère. Et depuis déjà 200 ans, on émet beaucoup plus de CO2 que la nature est capable d'en retirer de l'atmosphère. Mais la nature est capable d'en retirer de l'atmosphère. Ce qu'on appelle les puits carbone, dont par exemple l'Amazon, qui est un puits carbone bien connu, mais les forêts et les prairies, pourquoi pas, etc., qui enlèvent du puits carbone. En France, on a environ 40 millions de tonnes en puits carbone, c'est-à-dire que... 80 millions de tonnes de puits carbone. C'est-à-dire que si on veut arriver à une neutralité carbone, ce qui est l'engagement des accords de Paris, en 2050, tous les pays doivent arriver à la neutralité carbone. Ça veut dire que nous ne devons pas produire plus de 80 millions de tonnes de CO2, puisque c'est notre capacité de notre territoire à retirer du CO2. Actuellement, on est environ à une production territoriale de 500 millions de tonnes de carbone. Donc, l'accord de Paris conduit pas simplement à ralentir l'émission, c'est-à-dire à dire, bon, pour produire un euro de PIB, à la place d'utiliser une tonne de carbone, je vais en utiliser 0,5 tonnes. Il faut vraiment diminuer très drastiquement nos émissions. Il ne s'agit pas de ralentir la progression, là. Il s'agit de diminuer très, très, très, très rapidement la production. Et la forme actuellement du climato-sceptique, c'est pas de dire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est de dire qu'on fait tout ce qu'il faut pour le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on est en direction du réchauffement climatique. Quand vous remplacez, quand vous mettez des trottinettes partout dans une ville, vous faites de la transition écologique. Donc, la question, c'est que les trottinettes ne remplacent pas les voitures. Hein, et ce n'est pas parce qu'on a des trottinettes électriques qui produisent effectivement moins de CO2 qu'on fait de la transition. Et même si ça remplace un petit peu de voitures, ça n'en remplacera jamais assez par rapport aux enjeux des accords de Paris, c'est-à-dire pour essayer effectivement de rester dans le cadre qui devrait être le nôtre. Alors, bon, évidemment, j'avais des graphiques que je ne peux pas vous projeter, donc je vais essayer d'en parler un petit peu. Vous dire que finalement, ce qu'on constate, c'est que dans les pays occidentaux, les pays les plus développés, dont le capitalisme est arrivé très très loin, hein, et qui a d'ailleurs délocalisé ses industries très très loin, en Chine, etc. Actuellement, on a des problèmes avec le coronavirus et on se rend compte qu'on est très dépendant de la Chine, justement pour l'approvisionnement des biens industriels. Dans les pays occidentaux, donc, on a le début d'un découplage absolu, c'est-à-dire qu'on a en France une croissance encore du PIB, une croissance économique, et une baisse des gaz à effet de serre. Hein ? Donc, c'est pas simplement que ça décroche un petit peu, c'est-à-dire que les gaz à effet de serre en France diminuent, ce qui permet justement aux climato-sceptiques de dire, vous voyez, ne vous inquiétez pas, tout est en cours. Tout est en cours, on va accélérer, mais c'est déjà là. Le découplage est déjà là, donc pas de souci. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la question matérielle, c'est que prendre les choses uniquement au niveau des gaz à effet de serre produits sur le territoire, on ne prend pas en compte ce que produit ce genre de choses qui ne sont pas produites ici. Par contre, si on regarde la consommation française, combien elle produit de gaz à effet de serre, il n'y a pas de découplage absolu. Hein, il y a effectivement, un effort, en tout cas une efficacité de la production pour éviter de produire trop de gaz à effet de serre. Donc, il y a quelque chose un petit peu que les ingénieurs ont mis en place et que les systèmes productifs ont mis en place en essayant de faire des économies d'énergie, tout simplement. Hein, donc évidemment, on utilise un peu moins d'énergie pour produire la même chose. Hein, donc ça existe. Mais cette efficacité énergétique ou cette efficacité en carbone, si vous voulez, n'est pas suffisante pour réduire drastiquement les gaz à effet de serre. D'autant plus que la croissance continue d'augmenter, en particulier dans des pays qui sont en forte croissance. Donc là aussi, j'avais des graphiques à vous montrer. Ce qu'on se rend compte, c'est que les efforts qui sont faits à certains secteurs en termes d'efficacité énergétique ou carbone, en disant, tiens, on va trouver un procédé qui utilise moins, on va éteindre la machine quand on ne l'utilise pas, etc. Toutes ces choses qui sont réellement en œuvre, hein, dont, et même d'ailleurs les entreprises comme Google sont très conscientes de leur volonté effectivement de maîtriser la question énergétique et d'essayer de trouver des procédés qui le limitent, mais en même temps, je vais prendre l'exemple de Google, effectivement, dans ces centres de data, essayer de trouver des solutions pour utiliser le moins d'énergie, mais en même temps, font tout pour accroître leur production, font tout pour être de plus en plus présents avec les Google Home ou je ne sais pas quoi, etc., l'hyperconnexion, qui utilisent toujours plus de ressources. Donc, ce qu'on gagne en efficacité du fait de l'ingénierie humaine, hein, du fait de peut-être de bonnes technologies ou en tout cas d'innovations intéressantes, est totalement perdu et même au-delà parce que la logique même du système, c'est de trouver toujours plus de production à vendre, de systèmes à monter, etc. L'exemple du smartphone est intéressant puisque effectivement on est passé d'un téléphone dans lequel on téléphonait tout simplement, et puis on a commencé à avoir les mails et puis ensuite des notifications, et donc maintenant on est tout le temps connecté, et le fait d'être tout le temps connecté a conduit à une augmentation de l'électricité, de la consommation énergétique très importante. Une des secteurs qui utilise le plus d'énergie en croissance, en taux de croissance, c'est tout ce qui est Internet, smartphone, etc. Ce n'est pas du tout des secteurs industriels traditionnels. Ça utilise énormément d'énergie. Je crois qu'actuellement, on est à 14% de l'énergie mondiale uniquement pour l'Internet. Et comme la croissance est très élevée, effectivement. Donc, C'est parce qu'effectivement, on dit, tiens, on va vous proposer tel ou tel service nouveau, et puis si vous ne le voulez pas, on va vous l'imposer. Hein, on va connecter vos compteurs. Et donc, évidemment, quand on connecte les compteurs, à la place d'avoir quelqu'un qui vient à pied, alors bien sûr, ça fait du travail, il faut le payer, ça, c'est embêtant. Mais lui, il consomme très, très peu de CO2. Il produit très, très peu de CO2. Par contre, quand on met en place des systèmes qui ont besoin d'infrastructures très complexes pour être connectés en permanence, comme les compteurs, Linky, etc., évidemment, qu'est-ce qu'on fait là? On transforme du travail vivant par du travail mort, en fait, comme disait Marx, c'est-à-dire de l'énergie électrique, du CO2, qui est beaucoup plus émetteur de CO2. Alors, cet effet-là, du fait que les améliorations d'efficacité énergétique qui sont à l'œuvre sont tout de suite annulées par une augmentation de la consommation et de la production, cet effet s'appelle l'effet rebond. C'est quelque chose qui est connu par les économistes, même par des économistes néolibéraux, comme par exemple Jevons, qui est un économiste du 19e siècle, qui avait compris déjà qu'il y avait un effet rebond pour le charbon. Hein. Il disait, effectivement, on devrait faire attention au charbon, ça va être limité, mais je me rends compte que même si on trouve des systèmes pour utiliser moins de charbon, on cramera tout le charbon. On va tout cramer le charbon parce que, il a dit, c'est une jouissance de mort. Hein. Il disait effectivement, peut-être c'est mieux de tout cramer, et puis comme ça on s'éclate un bon coup, puis on verra. C'est très cynique, mais c'est comme ça qu'il voyait les choses. Donc, cet effet rebond, c'est l'autre façon de dire que le système fondamentalement est en expansion. Son essence même, c'est l'expansion. Évidemment, la Banque mondiale et enfin les grands acteurs de la mondialisation, les grandes entreprises, sont tout à fait conscientes que le découplage n'est pas assez rapide. Et donc, on a un attirail de propositions technologiques pour venir répondre à l'insuffisance du découplage. La grande technologie qu'on attend comme le Messie, c'est ce qu'on appelle le stockage et le captage du carbone. Les scénarios du GIEC, qui sont des scénarios faits par des scientifiques, mais avec une feuille de route politique. Dans la feuille de route du GIEC, c'est quand même de trouver des solutions d'une croissance verte. Hein. Ce n'est pas des solutions d'une transition écologique, c'est d'une croissance verte. Et donc, vous pouvez aller voir le dernier rapport du GIEC qui essaye de voir les scénarios pour rester à 1,5 degré de réchauffement climatique, qui est le cinquième rapport du GIEC, où effectivement ils proposent 114 ou 115 scénarios, il n'y en a que 6 qui ne sont pas en croissance. Tous les autres sont en croissance verte. Et donc pour rentrer dans ça, ils attendent tous, à partir de 50, l'avènement d'une technologie de captage du carbone, c'est-à-dire une technologie qui permet de, par des systèmes très complexes, de récupérer le carbone dans l'atmosphère et de le stocker, ou de le stocker dans la Terre par exemple, ou de le transformer. Alors, là encore, on ne voit pas bien arriver le résultat. On n'a pas de raison. Il y a même un éditorial de la revue Science, qui est quand même une revue scientifique de très haut niveau, qui a écrit un éditorial pour dire que penser que le captage carbone allait sauver le réchauffement climatique, c'est une pensée magique. Donc, et bien pourtant, il y a beaucoup, beaucoup d'investissements qui sont faits pour essayer de trouver des solutions. Les solutions, elles existent. Techniquement, on peut capter du carbone et effectivement l'enlever de l'atmosphère, mais c'est très, très coûteux. C'est-à-dire que ce qu'on utilise en énergie, en eau, en territoire, pour capter une tonne de carbone, c'est beaucoup plus que ce que fait la forêt. Donc, pour l'instant, là, j'avais pris des chiffres. Actuellement, on est à 175 euros la tonne de carbone enlevée pour 80 euros pour une forêt entretenue. Donc, pour l'instant, c'est très cher. Et si on déploie aussi ça à grande échelle, c'est-à-dire l'échelle qu'il faudrait pour résoudre le problème climatique au niveau mondial, il faudrait des technologies qui se déploient sur deux fois la taille de l'Inde. Donc on n'a pas la place, parce que si on prend ça, on ne peut pas faire de l'agriculture pour nourrir les êtres humains. On n'a pas de solution technique pour l'instant pour capter le carbone. Donc il va bien falloir, finalement, essayer de trouver des solutions qui conduisent à émettre moins de gaz à effet de serre. Alors, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est les énergies renouvelables. Le solaire, l'éolien, l'hydraulique, qui sont les solutions alternatives aux énergies qui proviennent de sources non renouvelables, les énergies fossiles. Bon, je vais en laisser pour le débat, mais là, c'est, à mon avis, enfin, en tout cas pour moi, c'est ce qui est le plus intéressant. Je vous invite peut-être à aller voir un article de quelqu'un qui s'appelle François Jarige, là, un historien qui a écrit dans Le Monde il y a 2 jours, et qui répond à une interview sur son livre qui s'appelle, qui porte en fait sur la question énergétique, sur l'histoire de l'énergie. Et son propos, c'est de dire que l'énergie, les choix énergétiques ne sont pas des choix liés au rendement économique. C'est pas simplement parce que le pétrole était plus avantageux que le charbon et que le charbon est plus avantageux que la traction animale qu'on a transité énergiquement, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a passé d'une technologie à une autre. Les choix ont été des choix politiques. En particulier, ils ont fait un gros travail avec d'autres, d'ailleurs des Américains, ils ont fait un gros travail pour montrer que le choix du pétrole a été un choix hautement politique. Parce qu'au moment où le pétrole arrive, le charbon est beaucoup moins coûteux, même pour les entreprises. Par contre, le charbon, c'est quoi ? Des mineurs organisés dans les mines. Beaucoup de travail, très peu de capital. Le pétrole est manipulable, stockable, très très peu de travail. C'est un fluide, très très peu de travail. Et donc, le choix politique des États a été de subventionner très fortement le pétrole pour essayer de contourner les mineurs dans les mines. Le plan Marshall, par exemple, a été, à l'intérieur du plan Marshall, il y a une subvention très très forte pour que l'énergie pétrole devienne l'énergie première, effectivement, des pays occidentaux, en particulier en Europe. Donc, il ne s'agit pas d'une rationalité à l'œuvre. L'énergie, ce n'est pas une rationalité. L'énergie est une question politique, et d'ailleurs, François Jarige dit que c'est le summum des vainqueurs. L'énergie, c'est l'histoire des vainqueurs. Qui c'est qui gagne ? C'est celui qui décide de la question énergétique. Donc, l'idée, comme certains philosophes de voilà, on est dans l'ère de l'anthropocène et maintenant on se rend compte qu'on a des activités qui. Ça y est, c'est une révélation, on a des activités qui conduisent à un réchauffement climatique et on va trouver des solutions, etc. Ces historiens disent non, ça fait très longtemps que les hommes savent vivre et connaissent effectivement l'impact de leurs activités sur la planète, mais ces gens-là, ou ces activités-là, ou cette organisation-là, a été battue en brèche, tout simplement. Elle existe depuis longtemps. Il prend un exemple dans la tribune, par exemple, il prend un exemple en disant la Californie, avec des maisons équipées en chauffe-eau solaire, une électricité qui vient de l'éolien, c'est la Californie du 19e siècle. Donc, pourquoi ? Parce qu'effectivement, la Californie était loin des puits de pétrole, et donc il y avait un système énergétique très décentralisé et complètement renouvelable. Donc ça existait déjà. Ce n'est pas le futur. Ça existait, sauf que ça a été battu en brèche pour des questions politiques. Donc dire qu'on va rentrer facilement dans le renouvelable parce que tout le monde va se mettre d'accord, ça ne va pas être le cas. Il est tout à fait probable que le capitalisme, dans sa volonté de maîtriser, continue de cramer tout le pétrole possible parce que c'est ce qui est le plus politiquement avantageux. Ce n'est pas simplement une question, je dirais, de raison scientifique ici, dont il est question. Alors, pour finir sur cette question de la croissance verte, le résultat, c'est la question que souvent on nous renvoie, c'est que finalement on nous dit, bon alors, tu nous mets dans un dilemme. Effectivement, selon les objectifs de l'accord de Paris, et si le découplage n'est pas très important, il faudrait réduire la croissance économique. Il faut pas réduire la croissance, on ne parle plus de croissance. Il faudrait réduire la valeur, la richesse économique de 50 à 85% d'ici 30 ans. Donc, il faudrait vraiment une restriction très très grande de ce qu'on appelle la richesse économique. Sinon, effectivement, on est dans une situation écologique qui est une impasse, qui est plus qu'une impasse, qui est une un problème pour le vivant, tout simplement. Donc on a ce dilemme comme ça, qui est en tension, auquel personne ne peut vraiment répondre. C'est-à-dire, mais alors quoi, les gens peuvent pas... Si on leur dit, mais attends, tu vas réduire la sphère, la richesse, tu vas réduire la richesse de 50 à 80% par tête, mais tu te rends pas compte, c'est une catastrophe pour nous, c'est impossible, etc. On peut pas prendre les choses comme ça. Donc, la dernière partie de l'intervention, je voulais effectivement essayer de ramener les choses du côté politique pour essayer de voir comment on peut saisir la question sans être complètement pétrifié par ce dilemme qui est qu'on a un lien, dans lequel on ne peut pas évidemment répondre. Évidemment, poser comme ça, ce n'est pas possible. Parce que dire qu'on va réduire la croissance économique de 85%, c'est comme si on restait dans le cadre et les institutions du capitalisme. Or, on ne peut pas rester dans le cadre des institutions du capitalisme si on veut relever le défi social et écologique. Il faut sortir du cadre. Et sortir du cadre, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de feuille de route ou de programme bien construit pour sortir du cadre, parce que les institutions, c'est ce qui construisent non seulement notre mode de faire, on sait que les institutions nous interdisent de faire ça et de faire ça, mais aussi construit notre imaginaire, notre façon dont on a à penser le monde. Donc c'est très difficile, effectivement, de réfléchir à la manière dont on pourrait construire une feuille de route. Mais on peut faire des choses intéressantes. C'est là où je voulais terminer un petit peu sur... De façon un peu théorique peut-être de réfléchir à la question, un peu plus philosophique, c'est de dire finalement, on doit avant tout poser comme principe qu'il faut sortir des institutions du capitalisme. Il faut absolument sortir de ces institutions, mais on ne connaît pas celles qu'on doit avoir. On ne peut pas les avoir par avance. Et qu'est-ce que c'est que ces institutions, etc. Alors, la question institutionnelle, elle est... pour les chercheurs en sciences sociales dont je suis, mais pour la philosophie ou pour l'économie, pour la politique, c'est des questions fondamentales. Et la façon dont on définit les institutions vont évidemment produire des pensées politiques différentes. En sociologie, par exemple, on dit que les institutions, elles sont tenues par des représentations sociales, qui sont elles-mêmes des institutions, sont déjà là. Donc on baigne dans l'institution de l'entreprise et on a une représentation sociale de l'entreprise, tous, et elle est déjà là, elle s'impose à nous. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu classique en sociologie de présenter les institutions. Pourquoi je critique, et dans le livre un peu je le fais, mais peut-être moins précisément, pourquoi c'est un problème, c'est que cette façon est très statique de présenter les institutions. On les présente comme répondant à des fonctions, on décrit comment elles fonctionnent, et on dit pourquoi elles tiennent, etc. Mais on ne voit pas comment elles bougent, ni comment on peut les transformer, ou même les mettre à bas. On ne voit pas très bien d'où ça vient. Si on dit que les représentations sociales s'imposent à nous, donc nous, comment nous agissons dans les institutions? On est pris dans l'institution, on est déterminé par les représentations sociales, on ne peut plus bouger. Cette représentation très sociologique, elle pose problème pour penser la transformation dont nous avons à nous emparer. La deuxième proposition, mais il y en a plein d'autres, mais je vais aller quand même assez vite. La deuxième proposition, puis je ferai le lien d'ailleurs avec la question des municipales. La deuxième proposition, c'est évidemment Karl Marx. Karl Marx, il a dit, bon, il a réfléchi aussi sur les institutions, ils appellent pas comme ça, ils appellent rapports sociaux de production, etc. Mais ils parlent de la même chose. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, ce qui m'intéresse, c'est de montrer quels sont les rapports de domination derrière les institutions. Qui c'est qui domine, etc. En particulier, dans les rapports de production. Il a voulu vraiment essayer de dire, il y a des dominants, des dominés. Ils dominent pour telle manière, avec tel outil, etc. Du coup, la question politique est remise à l'intérieur de l'institution, avec Karl Marx. C'est-à-dire, on dit, il y a des dominants, des dominés. On peut peut-être contester cette domination. Contester le pouvoir patronal, la propriété des moyens de production, etc. Donc c'est déjà quelque chose qui peut nous inspirer, la question de la domination à l'intérieur de l'institution, et contester la domination où qu'elle soit, même si on ne sait pas quelle institution on veut prendre, contester dans les entreprises le petit chef ou le patron, contester dans mon université la présidente qui est là parce que c'est elle par laquelle passe la domination. Eh bien, évidemment, c'est une façon aussi d'essayer de transformer les institutions de l'intérieur, par la question de la domination. Alors, la limite de Marx, elle est assez connue. C'est que Marx a décidé qu'effectivement, il y avait les rapports de production, et puis il y avait ce qu'il a défini comme les forces productives, c'est-à-dire la capacité technique, technologique, capitalistique des hommes à produire. Et il estimait que ça, c'était une force assez autonome des questions politiques, qui se déployait de manière autonome. Et d'ailleurs, c'est ça qui allait conduire à la fin du capitalisme, le développement des forces productives. Et comme il a sorti de la question politique, ça a conduit le marxisme à devenir très productiviste, hein, à dire on va transformer les rapports de domination, mais les forces productives, hein, l'utilisation du capital, etc., ça, on n'y touche pas. On se réapproprie à la rigueur, mais on n'y touche pas. Donc c'est vrai qu'il y a, historiquement en tout cas, même s'il y a des discussions actuellement, un trait productiviste du marxisme. Alors la dernière proposition que je voulais vous faire, c'est d'essayer de penser l'institution avec Castoriadis en disant avec lui que finalement l'institution c'est effectivement une fonction, produire par exemple, l'institution de l'entreprise ou celle qui conduise effectivement à permettre au capital de s'accumuler, a un certain nombre de fonctions, mais que cette fonction, que l'institution ne se réduit pas à cette fonction. Castoriadis dit « La fonction emprunte son sens hors d'elle-même. Le symbolique se réfère à quelque chose qui n'est ni réel, ni rationnel, il est imaginaire. » Alors, il dit en fait qu'il y a quelque chose dans les institutions qui est imaginaire. Ce n'est pas simplement une représentation sociale, parce qu'une représentation sociale se représente, c'est quelque chose qui est déjà existant. L'imaginaire, c'est quelque chose qu'on se représente mais qui n'existe pas. Et donc, le fait de penser qu'il y a une dimension imaginaire dans les institutions, ça veut dire qu'on est possible, donc les institutions sont créées et il est possible de créer les institutions. Et cette dimension imaginaire, pour lui, c'est un élément théorique important pour penser l'autonomie, hein, des sociétés à créer leurs propres institutions. D'où pour moi une pensée qui est intéressante pour penser la question révolutionnaire, mais la question des transformations effectivement des institutions. Cette dimension imaginaire, c'est une rivière instituante qui coule sous l'institué, qui est souvent qu'on ne voit pas, on ne sait pas qu'elle est à l'œuvre souvent, on le voit pas bien, hein, mais elle est toujours là. Et c'est une force instituante qu'on peut effectivement se saisir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas localisable. Il ne s'agit pas d'aller prendre une citadelle de l'imaginaire. Hein. Elle est partout. On fait de l'instituant, très souvent, dès qu'on parle de manière informelle avec le collègue, etc. Ça ne suffit pas, bien sûr. Mais cette dimension imaginaire permet, de mon point de vue, au collectif politique, au collectif de travail, effectivement, de se saisir de la possibilité de la création instituante, de la possibilité de la praxis instituante. Du coup, la dimension imaginaire, elle est évidemment importante, c'est un imaginaire social. Il propose d'ailleurs l'imaginaire du capitalisme comme étant un imaginaire de maîtrise, d'expansion illimitée de la maîtrise. Et donc il s'agit pour nous de changer cet imaginaire. Alors, au contraire de ce que font certains décroissants, de dire changeons les imaginaires, il faut changer l'imaginaire, il faut décoloniser l'imaginaire, etc., ça ne se décrète pas, l'imaginaire, hein, ça nous échappe totalement. L'imaginaire n'est pas la production d'une volonté, hein, on ne va pas décider de changer notre imaginaire. Ce qui est bien important de comprendre, et je finirai là-dessus, c'est que l'imaginaire n'est pas issu de la spéculation ou de la réflexion d'un chercheur ou de quoi que ce soit. L'imaginaire est issu de la praxis, est issu des pratiques de lutte et des pratiques d'expérimentation. C'est ça qui transforme l'imaginaire des collectifs. Et dans ce sens-là, ça permet de retrouver le chemin de l'autonomie d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque part, dans un lieu, on met en œuvre effectivement des pratiques nouvelles en pensant ces pratiques, hein, pas simplement la tête dans le guidon, mais en pensant ces pratiques, etc., on contribue à changer les imaginaires. Voilà, c'est la proposition que je voulais vous faire. Merci. Merci pour votre exposé. Je trouve les écologistes intéressés, mais je me trouve trop gentil avec le capitalisme. Je m'appuie plutôt sur des philosophes lacaniens, tels qu'Alain Badiou et Zizek. Zizek et Alain Badiou, qui sont des philosophes lacaniens et qui réhabilitent le nouveau communisme. Je ne parle pas de néolibéralisme parce que ce n'est simplement le néolithique qui s'est transformé en capitalisme. Il y a déjà des familles privilégiées, la propriété privée, et le capitalisme devient un crime contre l'humanité, à mon avis. L'esclavagisme, le génocide indien, deux guerres mondiales, le combat atomique. Et je crois qu'il faut faire des propositions bien plus révolutionnaires que Badiou en fait quatre. À partir de l'échec du communisme, nous avons avoir échoué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas repenser ce qu'il y a eu une expérience que de 70 ans. Je crois qu'il faut réorganiser la propriété privée. C'est déjà dans le manifeste du Parti communiste. Il faut que l'État dépérisse au profit d'un libre association, ce qui s'est pas fait sous Staline. Et ça, c'est déjà dans Marx. Il faut que dirigeants et dirigés, manuels et intellectuels, ne soient pas divisés. Et je pense qu'il faut voir l'internationalisme, déjà c'est dans Marx, plutôt que les nationalismes, les intégrismes et le racisme. Je pense que déjà, il faudra faire un nouveau communisme, vis-à-vis de Badiou. Lisez Zizek, qui sont très destructifs. Merci. Bon. Mais non, je ne peux pas, je réponds pas parce que c'est des propositions, effectivement, pourquoi pas. Je ne sais pas si je peux répondre, mais dans mon propos, il ne s'agissait pas spécialement de faire des programmes ou en tout cas de faire des propositions. Évidemment que la propriété privée est un problème central, qu'il faudra, si on sort du capitalisme, c'est sortir de la propriété privée, le moyen de production. Après, à qui appartient, comment s'organisent les collectifs, etc. Toutes les questions sont là, mais elles ne sont pas nouvelles. Hein, je suis tout à fait d'accord. Oui, oui, non, mais c'est tout à fait. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de débat, là, entre nous. Je veux dire, vous apportez effectivement un certain nombre de propositions concrètes. Je ne sais pas si elles sont... En tout cas, un certain nombre de propositions... auquel je souscris, hein, pas de... Je me demande dans quelle mesure ce n'est pas une erreur d'appréciation de l'espace et du temps qui nous perd. C'est-à-dire que l'accélération de beaucoup de choses et la volonté d'aller vite dans tous les domaines a entraîné cette productivité effrénée qui, au final, va nous perdre. C'est-à-dire qu'on veut maîtriser le temps par espace. On croit qu'on peut réduire le temps par la maîtrise de l'espace. Et on se trompe sur les vitesses des deux. C'est-à-dire qu'on veut s'extraire de ce que nous sommes, c'est-à-dire fait d'espace et de temps, et on veut aller plus vite que la machine. L'informatisation en est un exemple, la numérisation aussi. On pense aller plus vite dans les connaissances, dans le savoir, et en fait, non. Mais... Ce qui fait un imaginaire social, justement, c'est qu'il il connote tout, mais il est difficile à saisir. Par contre, on peut le dire de plein de manières. Ce que vous dites dans l'accélération, pour moi, ce n'est pas en contradiction avec ce que je dis avec la productivité. C'est une autre manière de le dire, ou une autre façon, effectivement, de voir ses effets. Mais on peut pas on le voit pas. Hein. Il n'est pas un endroit, quelque part, on pourrait effectivement le déterminer. En effet, l'expansion, enfin moi je l'appelle l'expansion parce que ça me paraît explicite, compréhensible, et aussi qu'on peut le prendre dans l'expansion de la consommation, l'expansion effectivement de la croissance, l'expansion du territoire, vous pouvez l'appeler accélération, ça me convient tout à fait, à mon avis c'est la même chose vue d'une autre manière. De découplage, donc ça c'est important pour moi, mais vous avez évoqué trois choses, vous avez évoqué du croissance, d'autre part l'économie circulaire, d'autre part la croissance, la croyance dans une solution technique pour résoudre le problème avec le stockage carbone. Moi, je suis sur le liste municipal et je pose une question toute simple. Dans quoi on doit s'inscrire au final? Est-ce que la croyance technique est une... On le sait, c'est quand même un mirage, mais est-ce qu'à court terme, ça ne peut pas avoir des bénéfices? L'économie circulaire, est-ce que ça ne peut pas avoir des intérêts en termes d'emploi et de court moyen terme pour le territoire? Et au final, la décroissance, qu'est-ce que ça veut dire sur un territoire? C'est cette échelle-là de territoire, à la plus petite échelle possible, moi, c'est ça qui m'intéresse et que j'aimerais avoir une réponse. Ce que je disais sur la pratique, c'est que ça va dépendre aussi... Bon, je ne veux pas faire une réponse qui n'en est pas une, mais il ne s'agit pas pour moi de dire que, puisque l'économie circulaire ne peut pas être la solution à l'augmentation de la matérialité comme une panacée, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'économie circulaire. Enfin, il ne faut pas penser à la question du recyclage. Il faut penser à la question du recyclage. Ce qu'on peut recycler, il faut le faire, bien évidemment. Maintenant, il y a des choix politiques, c'est-à-dire que l'énergie qu'on met à un endroit, on ne le met peut-être pas ailleurs. Donc il faut réfléchir, pas simplement... il faut sortir des logiques purement économiques pour essayer de regarder effectivement les effets matériels de la production, les productions de valeurs d'usage derrière, hein, pourquoi, quelles sont les valeurs d'usage, qu'est-ce que ça fait dans le lien social, etc. Là, si vous êtes justement l'intérêt d'être au municipal, et c'est pour ça que je voulais conclure là-dessus, c'est que on peut se saisir au niveau local de plein de questions qui sont des questions politiques que j'ai posées au niveau du capitalisme. C'est-à-dire qu'on peut essayer de trouver des propositions, des expérimentations qui peuvent allier d'ailleurs des questions de recyclage avec une tentative de décroissance, c'est-à-dire de moins de consommation, par exemple, quand c'est possible, hein, je ne sais pas, par exemple dans les cantines ou etc., avec des questions de nouvelles technologies qui pourraient être utiles à tel ou tel endroit. Il ne s'agit pas de les exclure les unes avec les autres. Moi, je ferai une réponse ici très pragmatique. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire sur le territoire. Par contre, ce qui est clair, c'est que y a comme un projet politique derrière. Et le projet politique, c'est de construire des alternatives qui soient solidaires, sobres effectivement en technologie, et qui essayent d'avoir des effets sur les gaz à effet de serre qui sont en diminution. Ça, c'est quand même un projet politique en soi. Après, voir qu'est-ce qu'on fait comme mix, comment on prend plus de recyclage ou pas, ça, je ne peux pas... Je ne me prononce pas là-dessus. Je dis, par contre, il ne faut pas exclure la possibilité de réfléchir au recyclage, même si ce n'est pas la panacée. En arrière-fond, toujours l'aspect global, planétaire, qui n'est pas contrôlable. Donc, toute réflexion doit partir de la planète actuellement, parce que donc, tout se tient. D'abord, d'après ce que vous avez dit, sur la partie du pronostic, disons jusqu'à 2050, on peut vraiment penser que l'humanité ne sera pas capable, dominant, de trouver des solutions, effectivement, comme solution à la catastrophe écologique qui nous menace. Vu donc sous cet aspect pronostique, un petit peu tel que j'ai cru avoir compris que vous l'avez présenté. Par contre, ce qu'il y a beaucoup plus terre à terre, il me semble, c'est que il y aura quelque chose qui va fortement impacter les consciences, que ce soit ici en Éthiopie, en Somalie, en Amérique latine ou ailleurs. Ce sera vraiment des catastrophes météorologiques, écologiques, donc, qui vont concerner énormément de populations directement ou indirectement du fait des réfugiés climatiques. Donc là, il y aura une fenêtre d'opportunité au niveau des consciences. Et c'est important que ce soit une prise de conscience planétaire, parce que la complexité à laquelle nous sommes confrontés, c'est justement, et c'est un peu transparu à travers ce qui a été dit, que nous avons des logiques, des mentalités, des filières de réflexion complètement différentes dans les pays occidentaux, avec nos sociétés de consommation développées, et dans les pays où il y a les petites mains qui produisent effectivement tout ce que nous ne faisons pas, puisque nous sommes effectivement des sociétés qui sont devenues sociétés de services ici en Occident. Alors, la question, c'est vraiment planétaire, et cet arrière-fond, donc, de catastrophisme un petit peu, qui, bien sûr, j'espère, ne va pas apparaître. Mais la question, pour en revenir à la question de productivisme et de productivité, c'est, je pense, effectivement, que il y a un potentiel qui peut être très positif dans la productivité telle qu'elle se présente à nous dans ce siècle qui vient de commencer depuis une décennie, parce que nous aurons, et certains politiques en France aussi le disent, nous aurons besoin de mobiliser vraiment beaucoup, beaucoup de technologies progrès-techniques pour rattraper tout ce qui a été causé comme dégâts. Alors que ce soit, par exemple, au niveau des productions d'énergie, que ce soit pour trouver des technologies de remplacement pour éviter tous ces ravages que l'on fait pour trouver des terres rares, etc., tout ce qui se fait actuellement encore comme problème des technologies, des ressources fossiles. Et donc, pour en venir, en fait, rapidement, parce que quand même je ne veux pas trop monopoliser, pour en venir à mon idée de finalité, donc je pense qu'effectivement, il faudrait que l'on trouve un moyen au niveau planétaire pour faire comprendre aux gens, que ce soit dans les pays du tiers-monde ou dans nos sociétés évoluées, qu'il faut vraiment s'accaparer les moyens de production. J'en reviens un petit peu à Marx. Il faut s'accaparer des moyens de production, et peut-être qu'on arriverait à faire comprendre ça au plus grand nombre en parlant de la possibilité, effectivement, de reconvertir tout ce qui se fait dans la production capitaliste sur le dénominateur commun de l'intérêt public. L'intérêt public, qui est le nôtre ici, en Occident, qui peut être compris, qui peut être saisi, je crois, par le plus grand nombre, et aussi, ce qui est très important, par les gens qui produisent pour nous, qui nous produisent tout ce malheur de production que nous avons, et qui, si du jour au lendemain nous disions « stop, on ne veut plus consommer », ce serait, je crois, il me semble, les premiers qui diraient « non, attention, on crève la faim, on veut continuer à produire soi, parce que nous, ça nous fait vivre ». Donc il y a toute une partie du monde qui est actuellement donc, très très éloignée de la mentalité, de la sensibilité écologique. C'est ça le problème. Donc il faut trouver un dénominateur commun qui puisse rassembler le plus grand nombre pour trouver vraiment concrètement des moyens de sauver la planète à partir donc d'un intérêt public bien compris, d'un intérêt commun bien compris, qui puisse être vraiment saisi par tout le monde. Parce que c'est ça, c'est les mentalités. Ça ne sert à rien que nous ayons, dans quelques pays occidentaux, une conscience écologique très forte, et que derrière, à commencer par la Chine, hein, où on est dans une société consumériste vraiment, vraiment déplorable. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. En fait, je ne pense pas qu'on puisse penser qu'il nous faudra de la productivité pour faire la transition écologique. Je pense qu'il nous faudra moins de productivité. Je pense que l'écologie, la question écologique, c'est moins de productivité, fondamentalement. C'est-à-dire qu'il faut démanteler les machines, quoi, pour être concret. Je ne vois pas de solution. Alors, je me trompe peut-être, hein, il y aura une technologie qui sera absolument inouïe et qui nous fera penser les choses tout à fait différemment, c'est possible. Mais moi, tout ce que j'ai là, sous le pied, je pense que la question, c'est pas... il faut des investissements, il faut garder de la productivité en foutant les patrons dehors et en réorientant la production avec les machines vers de l'écologie. Qu'est-ce que vous allez reconvertir quand vous allez vous approprier Amazon ou Google? Vous n'allez rien reconvertir du tout. La machine, elle est comme elle est. Il n'y a pas de reconversion. Google, il faut la démonter, quoi. Je veux dire, c'est tout. Et Amazon, il faut démonter Amazon. Ce sont des monstres. Donc, ça veut dire concrètement... Ça veut dire concrètement que la question écologique, elle est fondée sur l'utilisation par le travail d'une quantité importante de machines, ces machines utilisant une quantité importante de gaz à effet de serre et de matériaux. Bon. Puisqu'il n'y a pas de découplage, je ne vois pas comment on peut penser la question écologique sans se dire on va travailler avec moins de machines. Et c'est pas en plus une catastrophe. C'est-à-dire qu'évidemment, de voir ça comme un recul de la bougie, je ne crois pas. Je pense qu'il y a beaucoup de machines qui nous aliènent. Il y a beaucoup de technologies qui nous aliènent et qui ne sont pas tout à fait nécessaires. Et donc, d'ailleurs, on n'a pas choisi l'implantation, hein, l'installation de telle ou telle technologie. Il y en a très peu qui les décident. Hein. Donc, la 5G, personne ne la décide. Et c'est énormément de matériaux, énormément d'infrastructures. Et donc, beaucoup de productivité, d'ailleurs, dans les services en particulier. Je suis pas d'accord. Alors, il y a la question que vous posez aussi qui est assez intéressante, c'est de dire, en effet, une partie de la planète n'a pas notre niveau de vie étant niveau de PIB, et c'est difficile de parler d'écologie si des gens sont encore dans le besoin. Il me semble que, ne serait-ce qu'en regardant les émissions de gaz à effet de serre par tête, on est dans des multiples de 3000, hein, c'est-à-dire entre le plus riche américain et le plus pauvre, et il y a tout à fait la possibilité pour les très riches de baisser en faisant augmenter les plus pauvres. Donc, sans en restant dans des niveaux qui sont acceptables pour la planète. Donc, on ne peut pas opposer, il me semble que ce n'est pas nécessaire d'opposer, le fait de, il faut quand même garder un niveau de productivité élevé parce qu'une partie des populations africaines en particulier n'ont pas les niveaux de consommation. On peut améliorer les niveaux des conditions de vie, effectivement, des Africains. Je ne sais pas les niveaux de vie, mais les conditions de vie des Africains. C'est-à-dire peut-être en apportant des systèmes de santé plus développés, des choses comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit l'argument pour dire que, du coup, on n'a pas une sensibilité écologique. Au contraire, les travaux des historiens montrent que la sensibilité écologique, elle a été battue en brèche par le capitalisme pour qu'il s'installe. Donc, je ne crois pas que la poussée de l'humanité, c'est toujours plus de production. Je crois que ça, c'est une invention qui est allée jusqu'au bout et qui, pour nous, nous aliène. Donc là, je ne suis absolument pas... voilà, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, quoi. Alors moi, je voudrais intervenir. On a parlé beaucoup de quantité de production, hein, de ce qu'on produit. Et moi, j'aimerais parler aussi de la qualité de production. Actuellement, les dépenses militaires ont pris leur envol absolu, c'est-à-dire qu'on est à nouveau dans des dépenses militaires dans le monde qui sont affolantes. Et là, Dieu sait s'il y a une production de biens qui est destructrice, qui est énergivore au possible, qui, à un moment ou à un autre, doit être utilisée. Donc, on va faire des guerres parce qu'il faut bien... tester le matériel, hein, y compris le matériel humain. Et là, je me souviens de périodes où il y a eu un antimilitarisme qui était vivant, et aujourd'hui, tout le monde se tait alors qu'on est en train de produire des machines de guerre partout dans le monde de manière absolument démentielle, et de les vendre, et de les acheter. Et la France fait partie de ces pays qui produisent et vend du matériel de guerre dont on voit les dégâts écologiques, humains, etc. Je suis absolument d'accord. D'ailleurs, dans un livre de deux historiens sur l'anthropocène, ils disent que le capitalisme est thanatocène. En fait, les grandes innovations technologiques, dont Internet d'ailleurs, sont liées à l'armement. Sont subventionnés par les ministères de la Défense, etc., en particulier aux États-Unis. Donc la relation entre le productivisme dont on dénonce et la question de la guerre est très très importante. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, merci pour vos interventions, hein. J'ai beaucoup apprécié. Question concernant, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, ça n'a pas été capteur quelque sorte un espèce de laboratoire en matière de remise en question de l'autorité, pour ce qui est de l'autonomie, pour ce qui est aussi de la désobéissance civile, de tout ce qui est institutionnel et qui corsette la société. En gros, ça c'est une première question. Et deuxième question, comment voyez-vous la suite par rapport donc, à la situation actuelle, coronavirus et autres, est-ce qu'on n'a pas une forme de décroissance je sais bien que le capitalisme va rebondir, mais actuellement, quels sont les scénarios possibles dans la situation actuelle, hein, par rapport à l'économie ou autre? Non, oui, je pense que les Gilets jaunes, c'est c'est un mouvement qui a fait rupture, en tout cas. Je pense qu'elle a, elle a rendu visible une partie de la population qui était invisible. Et dans ce sens-là, c'est quelque chose de créatif, de nouveau. Et en plus, a mis en lien des gens qui n'avaient pas l'habitude, à mon avis, de se rencontrer sous un angle de dominé-dominant. Et non plus sous un angle peut-être d'anciennes partitions liées à des traditions politiques différentes, etc. Et donc je sais pas, enfin, je sais pas si je suis très claire là, mais je crois que cette socialisation politique a dépassé les cadres existants. Voilà, c'est arrivé à un niveau comme une fusion, quoi, de personnes qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer et qui ont créé ensemble de nouvelles significations, de nouveaux symboles, etc., qui ont repris d'ailleurs les symboles de la Révolution française, etc. Donc je pense que c'est très productif pour l'instant, et ça l'est toujours. Je ne peux pas savoir ce que ça fait, mais je suis plutôt enthousiaste parce que ça révèle la structure de domination dans laquelle on est pour des gens qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer, qui étaient même plutôt opposés, dont on opposait les intérêts. Donc c'est dommage qu'on l'a souvent dit, que peut-être la rencontre avec les banlieues et les gens qui sont déclassés dans les villes, issus de la seconde génération, etc., peut-être c'est pas tout à fait, mais peut-être. Il y a un deuxième regret aussi que j'ai, peut-être pas un regret, mais en tout cas une deuxième question par rapport aux Gilets jaunes, c'est que je trouve que les revendications... On peut tourner justement sur la question de la propriété de l'entreprise, hein, sur les questions de l'entreprise et de la contestation dans l'entreprise. Ça a été des questions démocratiques qui sont centrales, peut-être c'est par là qu'il faut commencer, hein, les questions de référendum, etc., de remise en question de la classe politique, mais peu les questions de la propriété privée des moyens de production. Ça pour moi, ça reste un peu un étonnement. Voilà, après, pour la suite, moi, je ne peux pas dire plus que vous. Je regarde l'actualité en me disant qu'on est dans une situation où les infrastructures du capitalisme sont devenues très puissantes. Le capitalisme est très, très armé pour résister. Et en même temps, il y a une grande fragilité aussi de ces infrastructures, ce soit au niveau nucléaire, par exemple, ou même les pandémies, etc. Le système est tellement concentré, centralisé, qu'effectivement... on peut avoir des... On se dit, je me dis en tout cas, que les probabilités d'un effondrement sont plus grandes. Je vous dis, je ne sais pas si l'effondrement arrive, mais quelque chose d'un peu, voilà, d'une catastrophe qui arriverait, parce que le système est tellement centralisé, tellement surarmé, que on pense à ça, mais je ne peux pas dire plus. Après, je... une réflexion unique, en fait, pour schématiser, stalinisme ou capitalisme, c'est à peu près la même chose. On nous a vraiment entraînés vers... on n'est plus capable d'imaginer quelque chose, d'imaginer d'autres situations. Et ça s'est fait progressivement. Bon, moi, j'ai l'exemple des collectivités, de l'intercommunalité, où on a pris les compétences mairies, des petites communes, pour les transférer à des communautés d'agglomération, plus grosses des communautés de communes, des communautés d'agglomération. Ce qui veut dire qu'on a moins de capacité de réflexion, parce que l'expérimentation peut venir d'une petite institution. Une commune, bon, il y a des communes, hein, qui ont de très bons exemples vers la croissance verte, bon, je pense à Grenoble, bon, il y en a d'autres, hein, en Bretagne, il y a des collectivités qui ont de très, très bonnes expérimentations, hein, qui peuvent, on ne parle pas beaucoup d'ailleurs, hein, c'est normal d'ailleurs, mais bon, ça existe. Il y a aussi aujourd'hui des petites coopératives qui se créent, qui montent des projets qui sont, je trouve, très expérimentaux. Donc, c'est des exemples, et on nous empêche d'avoir ces exemples-là. On a empêché aux petites collectivités qui ont perdu leur souveraineté, aux communes, alors que c'est tout à fait possible qu'elles puissent faire des expériences économiques. Bon, aujourd'hui, dans le vert, moi, je crois que ça... Ma réflexion de BOCS, on a perdu en imagination. On était capable d'imaginer, donc, de proposer des initiatives, de proposer autre chose que, il n'y a pas d'alternative, une initiative possible. Voilà, on est incapable de dire, en fait, si, il y a autre chose de possible. Enfin, nous aussi, mais bon. Non, je suis assez d'accord avec vous. Ça me fait dire que la question politique s'épasse, du coup, simplement la question du faire politique, de l'organisation. Et du coup, c'est aussi la question de la création, c'est de prendre soin aussi de ce qui crée des formes. Je pense toujours à cet exemple de Jacques Rancière, qui est un philosophe qui a travaillé sur la condition ouvrière au XIXe siècle, qui, dans La Nuit des prolétaires, disait qu'en fait, les prolétaires qui ont justement eu un moment où ils proposaient beaucoup plus des solutions autour de l'association des travailleurs, donc la coopérative qu'on appellerait maintenant, ils passaient du temps à écrire des poésies, ils passaient du temps aux lectures, ils passaient du temps en banquet, etc. Donc, je veux dire, l'expérimentation, c'est pas simplement l'expérimentation en termes d'organisation, tout de suite cadrée, etc. C'est aussi prendre soin des formes de création qui viennent nourrir l'imagination. Et souvent, les collectifs politiques souffrent de s'assécher, de ne pas laisser ces formes-là de création rentrer, etc. Parce que veulent être dans l'efficacité trop vite, il faut qu'on ait quand même des résultats, l'année prochaine, il faut qu'on ait telle chose, etc. Cette poussée vers l'efficacité, parce qu'on est pris dans cet imaginaire d'efficacité, conduit à assécher l'imagination, qui vient par des formes de création toutes. Ça peut être la poésie, la musique, la peinture. Voilà, je pense que ça devrait être beaucoup plus présent dans les questions politiques, ça. Bonsoir à tous, merci pour votre conférence, c'était très intéressante. Alors, donc, je vais revenir un peu sur la question de l'imaginaire. Donc, je fais partie de deux collectifs, donc, Attaque Tarme et un collectif libertaire, ELAF, et écologiste, antifasciste, libertaire et féministe. Et je peux voir entre ces deux collectifs la différence de l'imaginaire. Voilà. Je suis avec Attaque, c'est vrai qu'on est bloqué comme on parle ce soir, sur l'économie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les institutions que nous avons? Et quand je suis avec les libertaires, c'est totalement autre chose. C'est déjà des expérimentations, c'est des événements festifs, comme vous le disiez, des organisations de solidarité, c'est du partage, et il n'y a pas de propositions de société, il y a des valeurs, il y a des vecteurs non-domination, de solidarité, d'écologie, c'est comme on appelle ça le premier. Voilà, on va travailler sur des vecteurs. Et après, c'est sur ces vecteurs-là qu'il faut construire ensemble des modes de vie. Voilà. C'est ce que nous proposons. Je pense que c'est une. Il va falloir peut-être penser à ces modèles-là. Moi, j'aime bien la comparaison. Alors après, c'est pas qu'il y a qu'un seul endroit où ça arrive, mais c'est vrai que prendre soin du milieu de vie, quoi, tout simplement. Voilà, c'est prendre soin de la situation du milieu de vie. Dans beaucoup, moi, je suis syndiqué à la CGT, j'ai beaucoup milité à la CGT, et une grande difficulté, c'est celle-là, c'est qu'il n'y a plus du tout, il n'y a plus de milieu de vie, il n'y a plus de de communauté, de quelque chose qui se passerait, d'existence commune. Ça ne veut pas dire qu'on vit ensemble et qu'on fait la cuisine ensemble et qu'on fait tout ensemble. C'est que même l'espace politique est devenu réduit à la question de l'organisation et de l'efficacité de l'organisation. Et ça, on en a crevé. On en crève, hein. Moi je pense que ça c'est... Parce qu'on a besoin de créer. On n'est plus du tout dans une situation où il faudrait se battre sur des programmes dont on pourrait déjà avoir établi parce qu'on aurait une conscience commune et tout. Peut-être c'est arrivé dans l'histoire, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je suis sûre, c'est que ce n'est pas le cas maintenant. On est dans une situation de on est obligé de sortir du cadre. Et donc moi j'accueille de manière très très positive toute chose qui est de l'expérimentation, de désobéissance, même de destruction d'infrastructures, etc. Parce que je me dis que ça permet de créer quelque chose. Je ne suis pas du tout dans il faut faire ça, pas ça, etc. Quand, justement, c'est pour ça quand on me demande qu'est-ce qu'il faudrait, où est-ce que, dans quoi vous vous inscrivez, etc. Moi je m'inscris dans le vivant, quoi, voilà. C'est... Après chacun milite là où il veut, là où il peut, quoi. Une dernière question. C'est pas une question, mais c'est par rapport à ton dernier mot, le vivant et l'imaginaire. Hein. Bon. Oui. Il me semble que le problème, effectivement, moi je suis d'accord avec cette question de imaginer, inventer, on a que ça, on n'a que cette possibilité, j'allais dire, pour s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'on est tellement, comment dire, réduit dans nos têtes, j'allais dire, par le capitalisme, hein, et le libéralisme est encore plus financier, que du coup, c'est vrai qu'on est appauvri du côté de l'imaginaire aussi. Et ça se voit aussi par, ce qui fait qu'on a tendance à compenser ça, je crois, au lieu de débattre ensemble, etc., de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, quand on essaie de le faire quand même, on a tendance à se retrouver dans des formes de pensée très cloisonnées, j'allais dire, selon les cercles, les syndicats, les partis, etc., et autres collectifs et associations. C'est vrai partout. Et ça, je trouve que c'est... Ça nous arrête dans ce dépassement du capitalisme vers quoi on voudrait tous aller quand même. En tout cas, tous ici, je pense. Voilà, il me semble qu'il y a quelque chose à... Mais comment faire? Comment faire pour sortir de là? Alors, on voit bien, on a beau essayer, c'est quand même très difficile de revenir en arrière. Or, c'est pour ça que je conseille de lire ton livre à tout le monde, parce que tu expliques bien comment on en est venu là. C'est-à-dire le passage du capitalisme industriel, d'abord sa naissance, et ensuite au capitalisme financier, qui a marqué une coupure, une sorte de césure dans lui-même même, j'allais dire, quoi, hein, finalement, qui l'a rendu déjà marchandise, lui aussi. Et il me semble que c'est de... Il faudrait qu'on prenne toute conscience de ça, mais créer, comme tu dis, des lieux de vie. Et il me semble qu'au niveau municipal, c'est peut-être plus facile de le réaliser, c'est pour ça qu'on est sur l'essai, de réaliser pas seulement des institutions, comme tu disais, c'est bien le rétablissement des services publics, etc., etc. Mais, et l'écologie locale et tout, c'est parfait. Mais il me semble que c'est encore plus des lieux de vie. De vie, c'est-à-dire quoi? De lien, ce qu'on dit comme ça, de façon banale, de lien social, mais qui n'est pas banal du tout, puisque ça n'existe plus. Voilà. Et donc, il me semble que c'est là-dessus qu'il faudrait que notre imagination aille. Vers comment on pourrait recréer ça pour rappeler un peu l'agora, etc. En fait, vraiment, où on puisse vivre ensemble, échanger, se distraire et tout, et se cultiver, mais vraiment ensemble, c'est-à-dire sans faire le quartier machin, le truc chouette, etc. Quoi. Non, mais je suis assez d'accord, je ne veux pas trop rajouter. sur l'espace. En fait, il faut se libérer des espaces, il faut ralentir. Enfin, voilà, pas chercher tout de suite des résultats, faire ce qu'on a à faire et puis advienne que pourra, quoi, à un moment donné. Je pense que, voilà. Dans l'institution imaginaire de la société, dans la perspective ou non de Castoriadis, quel est le rôle essentiel de l'intelligence artificielle? Et enfin, ma troisième question, nous sommes dans la ville de Jaurès, la verrerie ouvrière d'Albin. La verrerie ouvrière, à propos des scopes, nous avons ici une scope ratée qui passe sur la télé comme exemple admirable de ce que devrait être précisément une unité de production avec des valeurs humanistes qui sont illustrées par la SCOP. Et alors précisément, quel est votre, disons, jugement sur ce qu'était cette utopie au XIXe siècle et notamment reprise par les valeurs des coopératives? Alors je n'ai pas compris la première question. L'institution imaginaire de la société, est-ce que c'est... Est-ce que cette, disons, philosophie de Castoriadis rend caduque la philosophie d'Althusser à propos des appareils idéologiques d'État? À propos de l'appareil idéologique d'État? C'est ça. Bah, Castoriadis, effectivement, il était très critique de l'État, tel qu'il était. Donc, comment je pourrais répondre à ça? Je ne sais pas très bien si je comprends la question, enfin, ce que vous avez en tête. Je ne suis pas très... Non, je dis que le problème est de savoir, si vous avez du marxisme, le marxisme d'Althusser et sa théorie et sa philosophie des institutions, à travers précisément son analyse du rôle joué par les appareils idéologiques d'État, qu'on fait à l'école, est-ce que donc, cette philosophie des institutions, selon Althusser, Castoriadis, ou inversement, est-ce que la philosophie castoriadiste à propos de l'institution imaginaire des sociétés prend décidément un cercle caduc? Alors, ce que je peux dire, c'est que Castoriadis a critiqué vertement le marxisme, même dit qu'il fallait choisir entre être révolutionnaire et être marxiste. Malgré qu'il vient du marxisme d'ailleurs, hein. Donc il a repris beaucoup de concepts du marxisme, mais il a critiqué vertement la façon dont le marxisme s'était saisi de la question historique, de la manière de voir l'histoire et de voir les dynamiques historiques. Donc avec ce concept d'imaginaire, c'est justement de saisir l'histoire non plus de manière déterministe, c'est-à-dire de plus comprendre l'histoire comme une séquence déterminée par les forces productives, mais de voir l'histoire comme capacité de création des hommes. Création, ça veut dire capacité de créer de nouvelles formes de vie, donc de nouveaux milieux de vie, et non pas des étapes de la société qui seraient déterminées par les précédentes. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, dans le bouquin que vous citez, le premier chapitre, c'est la critique du marxisme. Alors, qui est caduque ou pas, ça va dépendre de votre point de vue. Moi, j'estime que Castoriadis est plus fécond pour penser le moment actuel. En tout cas, plus fécond pour penser la question révolutionnaire qui m'intéresse, en fait. J'ai pas envie de réfléchir spécialement aux déterminismes sociaux, c'est-à-dire d'écrire la société dans ses dominations. Je le sais assez, je le vis assez tous les jours. J'ai besoin de comprendre plutôt comment on peut faire la révolution. C'est plus ça qui m'intéresse, et je trouve que Castoriadis est plus intéressant de ce point de vue. L'intelligence artificielle, je ne sais pas trop comment y répondre. Et par contre, la coopérative, évidemment, la coopérative, c'est une des propositions classiques du mouvement libertaire, ou en tout cas, même, c'est une façon de réfléchir à la question de l'autonomie, qui est un concept central chez Castoriadis, l'autonomie. La société autonome, c'est une société qui est non aliénée. C'est pas une société qui est sans institutions. C'est une société qui est consciente de ses propres institutions, qui prend en charge son autonomie. Donc évidemment, la coopérative, c'est dans les propositions qu'il fait d'ailleurs, dans les contenus du socialisme, hein, ce qu'il appelle ça le socialisme, c'est des grandes coopératives. Donc je travaille sur les coopératives, donc oui, bien sûr, c'est... Oui, bien sûr. Bah après, la coopérative, bon, il y a le principe de la coopérative, qui est un principe politique et philosophique, puis après, il y a la coopérative telle qu'elle est, avec les contraintes du capitalisme actuel, telle qu'elle essaye de... Il faudrait rentrer dans les détails, mais peut-être c'est un peu tard, là, pour faire ça. En tout cas, merci. USSR.